comme tous les mercredis, nous parlons de futur, de nouvelles technologies, d'avenir. Il y a 15 jours, une équipe sud-africaine a réalisé le fantasme de toute une génération d'auteurs et de lecteurs de science-fiction, connecter un cerveau humain à Internet. Alors bien entendu, comme souvent, la réalité est plus pragmatique que la fiction et nous n'avons pas encore plongé la tête la première dans la matrice. Mais cette réalisation intitulée Brain Internet est une avancée dans la recherche en ICM pour interface cerveau-machine, un champ de recherche apparu dans les années 70 qui a abouti notamment à la possibilité pour des personnes amputées de contrôler leurs prothèses et dont les développements futurs interrogent sur la notion de continuum homme-machine. Interface cerveau-machine, je pense donc je fais, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dessiner les contours de ces territoires nouveaux et chercher la frontière qui nous sépare encore des entités de silicium, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jérémy Matou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche INSERM, vous travaillez au centre de recherche en neurosciences à Lyon. Bonjour Fabrizio De Vico Falani. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche INRIA et vous travaillez pour vous l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Vous pouvez suivre comme d'habitude si vous n'êtes pas déjà connecté avec votre Neuralink sur le réseau et sur Twitter en vous abonnant, comme vous le savez, au compte @laméthodefc. Alors, je le disais à l'instant, hein, au regard de cette communication scientifique que j'évoquais. Précisons qu'il ne s'agit pas d'une étude publiée dans une revue, hein, qu'il s'agit d'une communication. Au regard donc de ce projet qui s'appelle BrainTernet, dont on va reparler dans le détail, est-ce que nous sommes en train d'arriver, selon vous, à poser les jalons d'un continuum entre l'activité cérébrale et le langage informatique, Fabrizio De Vico Falani? Oui, effectivement, c'était une découverte très intéressante. Et je dois dire que c'est un peu la continuation de premiers développements qui ont été faits dans les années dernières. Et donc maintenant, on a vraiment le droit de rêver sur différents types d'applications. Donc là, c'est une application très, très audace, je dirais. Mmh. Et après, on parle toujours, il faut se rappeler qu'on parle toujours des prototypes à ce niveau-là. Donc, mm-hmm. on est vraiment encore loin d'arriver à connecter un cerveau à une machine ou à Internet de façon, intelligente. Ça veut dire des façons que la machine arrive toujours à comprendre ce qui se passe dans les cerveaux, ou de la façon efficace aussi. Ça veut dire la capacité de le cerveau d'arriver toujours à contrôler avec un taux de réussite très élevé. Donc, on est encore en phase de prototypage. Et donc, il faut améliorer beaucoup les algorithmes. Il faut comprendre comment les cerveaux s'adaptent à ces interactions. On va parler de l'importance, hein, tout au long de cette heure, de ce qu'on appelle une boucle rétroactive. Est-ce que peut-être vous pouvez juste nous expliquer exactement où l'un ou l'autre, en quoi consiste ce projet Brain Internet? Qu'est-ce qu'on a réussi à effectuer? Qu'est-ce qu'a réussi à effectuer cette équipe sud-africaine? Oui. En gros, ça consiste, pour nous, que nous sommes dans les domaines, c'est pas quelque chose de choquant. Ça veut dire, pour nous, c'était quelque chose qu'on arrive à comprendre très bien. Peut-être pour le large public, ça peut sembler choquant. Mais en gros, ce qu'ils ont fait, c'est branché le cerveau à un ordinateur et à travers de câbles, donc d'une technique de électroencéphalographie, sont des électrodes posées sur le scalp. Il faut dire que c'est pas invasif, hein, qu'on n'a pas branché, qu'on n'a pas mis une prise dans le cerveau, qu'on n'a pas mis des électrodes dans le cerveau. Il s'agit d'un casque avec des capteurs. Oui, l'idée, c'est de le faire de façon non invasive. Mm-hmm. Il y a aussi des interfaces, des systèmes invasifs, mais bien sûr, on en parlera plus tard. Et donc, l'idée, c'est une fois que vous êtes connecté à un ordinateur avec un amplificateur, Et ben, l'ordinateur peut être connecté à n'importe quoi. Et dans ces cas-là précis, ils ont essayé de connecter le cerveau à Internet pour essayer de faire les liens avec Internet of Things. L'Internet des objets. L'Internet des objets, voilà. Essayer d'interagir avec ce réseau d'objets très vaste de façon plus ou moins intelligente. Mmh. Ça, c'est le principe. Après, le principe. Ça marche ou pas. Si on résumait à très gros traits, on pourrait dire que grâce à une forme de réseau local, j'arriverais à allumer le radiateur par la pensée. Oui. À la louche, hein, on oui, dit. Oui. Voilà, non, pour donner Jérémy Matou, c'est à peu près ça l'idée. Oui, je ne suis pas encore connecté à la matrice et en train de chercher les pages Google pour télécharger directement dans mon cerveau la fiche sur l'interface cerveau-machine, par exemple. Oh non, loin de là. Et puis, dans le cas de vrai Internet, l'idée, c'est de fournir des interfaces cerveau-machine au plus grand nombre. Quant à savoir si c'est intéressant d'utiliser un casque et de le poser pour allumer son radiateur ou sa télévision, ça c'est une autre question. Dans le cas de vrai Internet, quand même, je crois qu'il faut préciser, et c'est pas la première fois, il y a ici un gros coup de communication de l'appareil sud-africain pour la réalité des choses. Je crois d'abord qu'il s'appuie sur un casque qui est bon marché, donc ça promet un produit qui est diffusable, mais de très mauvaise qualité encore. Donc Fabrice, vous parlez d'erreurs dans l'interprétation des signaux cérébraux. Je pense que dans ce cas-là, on peut s'attendre à beaucoup d'erreurs. Donc je crois que c'est plutôt un effet d'annonce qu'un saut technologique. Voilà. C'est pour ça que je précisais qu'il ne s'agit pas d'une étude publiée dans une revue, mais bien de la communication d'un groupe, donc il faut bien faire la part des choses. Néanmoins, on va revenir à ce concept d'ICM, d'interface cerveau-machine, tout au long de 7 heures. C'est un concept qui est apparu dans les années 70. Vous allez nous raconter tout cela. Mais il faut peut-être préciser que c'est en fait une sous-catégorie de quelque chose qui intéresse la science. Par ailleurs, également beaucoup la science-fiction depuis très longtemps. Vous savez que la science-fiction est chère à mon cœur. C'est l'interface homme-machine, l'interface cerveau-machine. C'est une sous-division, Jérémy Matou, de cette interface homme-machine à laquelle on réfléchit depuis très longtemps, depuis le début de la mécanique, de la mécanistique. Tout à fait. On peut voir les interfaces homme-machine comme un prolongement des développements d'interfaces homme-machine. Et en même temps, elle se définit en contradiction à l'interface homme-machine classique, puisqu'elle se définit par le lien direct entre le cerveau et la machine. L'idée, c'est d'aller mesurer l'activité cérébrale et de l'interpréter directement en commande pour la machine, autrement dit de chanter toute autre interface que ce lien, ce lien direct. Il y a peut-être une notion, hein, on l'a dit, on va parler de ces questions de rétroaction. L'idée de l'ICM, de l'interface homme-machine, on va dire ICM pour aller plus vite tout au long de cette heure, c'est la notion d'échange bidirectionnel entre la machine d'un côté et l'homme. C'est pas juste unidirectionnel, Fabrizio De Vico Falani. Oui, donc il y a différentes déclinaisons quand on parle de bidirectionnalité. Donc, au sens large, bidirectionnalité, c'est comment on va utiliser les interfaces cerveau-machine. Vous pouvez l'utiliser soit pour contrôler des dispositifs extérieurs. Donc là, c'est un ICM actif, je dirais. Mais vous pouvez utiliser aussi l'ICM comme un système de neurofeedback, de biofeedback. Ça veut dire, par exemple, un écran qui vous montre votre activité cérébrale, ça peut vous donner des consignes sur comment, par exemple, se relaxer un peu mieux à travers ces indices d'activité cérébrale. Jérémy Matou. Pour compléter, il y a deux sortes de bidirectionnalité, je pense aussi, c'est que quand on imagine une interface, c'est la plupart d'entre elles, visant à pallier un handicap, donc contrôler une neuroprothèse par exemple, certes il faut envoyer une commande pour que la machine l'exécute, pour que le bras robotique se meuve et aille saisir un objet, mais pour qu'un contrôle se fasse précisément, il faudrait aussi un retour sensoriel. Donc il y a déjà des travaux qui se font pour avoir un retour sensoriel, peut-être même direct, donc stimuler le cerveau et des électrodes, et là on parlera d'interface bidirectionnelle, on n'y est pas encore, mais il y a des premiers travaux là-dessus. Et on parle aussi de bidirectionnel dans le sens où, quel que soit le mode d'interfaçage, invasif, non invasif, quelle que soit l'application, on va généralement voir dans toute interface homme-machine l'effet de notre commande, et ça crée une boucle fermée et un apprentissage, et on espère d'ailleurs beaucoup dans les ICM qui ne marchent pas encore très bien, cet apprentissage peut nous aider à améliorer les interfaces. Voilà, l'apprentissage qui est l'autre notion importante qui va revenir au cours de cette heure. On va parler de tout ça, de biofeedback, d'apprentissage dans le reportage que vous allez entendre entendre tout à l'heure. J'aimerais qu'on me dise là aussi encore peut-être quelques mots du fait que l'ICM est un concept assez récent qui date des années 70 et qui est évidemment très lié, Jérémy Matou, à notre connaissance de l'activité cérébrale et à notre capacité à la lire et à l'interpréter. Alors voilà, dans les années 70, comme vous l'avez dit, il y a un ingénieur visionnaire qui avait décrit ça dans un projet de recherche. Cela dit, c'est même encore plus récent que ça en pratique, parce que je crois que les premiers travaux, ils ont réellement été possibles quand on a eu une puissance de calcul avec l'informatique qui a permis l'analyse de ces signaux complexes. Fin des années 90. Oh, même la fin du siècle, en fait. Oui, c'est fin des années 90. C'est vrai. Pardon. Allez-y. Et après, voilà, on aime bien les dates, mais il y a effectivement une continuité dans les recherches en neurosciences fondamentales, en neuroimagerie, et puis la naissance des interfaces cerveau-machine. On date même de la fin des années 60, de ce que je veux me rappeler, des expériences chez l'animal très fondamentales qui montraient que l'animal était capable, quand on lui donnait l'information de l'activité de ses neurones, de la contrôler pour avoir une récompense, en l'occurrence. Mmh. Mais voilà, cet apprentissage était montré comme possible, et là, tout de suite, on s'est mis à imaginer des applications. Un mot justement sur ce lien, et peut-être plus précisément Fabrizio De Vico Falani, sur notre capacité à interpréter, à localiser et à lire de plus en plus finement l'activité cérébrale. Oui, là justement c'est un champ de recherche qui est, je dirais, plutôt lié à mathématiques, informatique, traitement de signal. Ça veut dire, une fois que vous avez ces signaux, l'activité cérébrale qui peut être traduite en termes de signaux électriques, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, normalement, surtout avec le ICM non invasif, les signaux qui vous enregistrez sont contaminés par un bruit. Donc, il faut être capable de développer des algorithmes qui sont capables effectivement d'extraire l'information pertinente qui est liée à ce qui se passe dans les cerveaux. Et donc, là, il y a pas mal de développement en termes des algorithmes pour essayer de déchiffrer, de décrypter ces signaux-là qui sont assez complexes. Est-ce qu'on peut marquer, on cherche toujours évidemment a posteriori dans l'histoire et dans même l'actualité des sciences, des jalons pour montrer à quel moment on a commencé à faire des progrès. On a donc à la fin des années 90 une personne, un nom qui revient quand on s'intéresse à l'histoire de l'ICM, de l'interface homme-machine, c'est Miguel Nicolelis. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot, Jérémy Matou, à la fin des années 90, des premiers protocoles expérimentaux sur le cerveau des rats dont on réussit à contourner justement l'influx cérébral pour leur faire exécuter des actions. Alors voilà, Miguel Nicolelis, c'est un neurophysiologiste brésilien qui travaille aux États-Unis et qui a travaillé chez l'animal, en fait, chez le rat et chez le singe. Et il a montré chez le singe notamment, c'était le plus impressionnant, qu'on pouvait, avec des implants invasif dans le cerveau, dans le cortex moteur, donc naturellement responsable du contrôle moteur, contrôler un bras robotisé et apprend même à faire des trajectoires en tridimensions assez rapidement. Il est très intéressant à la fois d'un point de vue pratique, des promesses comme ça pour les interfaces en machine et leurs applications médicales, mais il a eu aussi une description des phénomènes de plasticité cérébrale qui accompagnent ces nouvelles interactions. Et ça, c'est aussi très intéressant. Oui, c'est très, très, très important là aussi pour bien comprendre ce dont on va parler, il faut évoquer cette question de plasticité cérébrale, c'est-à-dire montrer qu'à un moment donné, quand on pousse à la compréhension d'une action, à la stimulation d'une certaine zone du cerveau, eh bien on peut rerouter, on peut recréer des directions, des influx nerveux, des influx qui vont permettre précisément d'interagir avec la machine. Jérémy Matou. Voilà, alors dans l'optique de contrôler un bras robotisé, on va bien sûr aller chercher les régions qui, a priori, sont les plus capables, les plus à même de faire ça, c'est-à-dire les régions qui naturellement contrôlent un membre ou le bras, typiquement. Donc ça veut dire que c'est des neurones qui sont a priori bien organisés pour ça. Mais de toute façon, cette interaction, un bras robotisé, c'est nouveau, c'est pas comme un bras naturel. Et donc, il faut une habituation, une adaptation, un apprentissage de la part de l'animal ou plus tard d'un patient. Et donc là, c'est là que la plasticité cérébrale joue. Et c'est ce qu'on observe. Nicolelis décrit lui-même dans ses expériences, puisqu'il utilise des singes qui ne sont pas handicapés, qui ont aussi leur bras et qui peuvent manipuler, que les singes arrivent très bien à manipuler le bras robotisé après un long apprentissage, tout en manipulant leurs deux bras naturels pour se gratter le dos, que sais-je. Un mot sur cette notion de plasticité cérébrale qui, on va le voir, Fabrizio De Vico Falani, très importante effectivement pour tout ce qui va concerner la prosthétique, c'est-à-dire se réhabituer, rerouter, recréer dans son cerveau des réseaux d'informations nouveaux pour pouvoir appréhender ces nouvelles extensions de soi. Ouais, ça, bien sûr, ça ouvre la porte à un scénario beaucoup plus large que l'ICM. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau à chaque fois que nous apprenons à faire quelque chose de nouveau. Et bon, dans les interfaces cerveau-machine, notamment, il y a cette concept de connectivité, des interactions entre les différentes régions du cerveau qui doivent interagir de façon différente à chaque fois qu'ils sont devant un stimulus en conditions différentes. Et donc, il y a pas mal de projets maintenant qui sont aussi financés par l'Agence nationale de la recherche qui, justement, essayent de mieux comprendre ces mécanismes-là. Parce qu'une fois qu'on a appris ces types de changements, on serait capable éventuellement d'intégrer ces informations dans les algorithmes qui, à leur fois, seront capables de s'adapter à l'apprentissage de la personne. Donc, vous voyez, quand je parlais de deux niveaux de bidirectionnalité, il y a aussi ce type de bidirectionnalité. L'effort de l'humain à utiliser la machine, mais aussi l'effort de l'algorithme à comprendre, à s'adapter aux efforts humains. Est-ce qu'on... Oui, Jérémy Matou. Oui, juste une remarque. C'est là, peut-être, c'est le bon moment pour faire la distinction entre les interfaces invasives, qu'on a quand même beaucoup évoquées jusqu'à maintenant, et l'interface non invasive, qui représente un gros volume de la recherche et l'espoir d'application plus générale. Et dans ces interfaces non invasives, les signaux sont beaucoup plus difficiles à interpréter, beaucoup plus grossiers. Et là, on a besoin d'algorithmes plus puissants pour arriver à extraire des informations pertinentes. On va y revenir dans le détail dans quelques minutes et vous allez entendre que le reportage illustre un certain nombre de ces questions. Je voudrais juste pour conclure cette première partie, parce qu'on a entendu, on manipule beaucoup de concepts, on manipule des concepts de neuroimagerie, de neurologie pure, d'informatique, d'ingénierie. L'ICM, la recherche en ICM, c'est une recherche où là, pour le coup, le mot pluridisciplinaire n'est absolument pas le galvaudé, qui est extrêmement pluridisciplinaire. Et avec la pluridisciplinarité vient parfois la difficulté de communiquer entre soi, entre champs disciplinaires très différents, de se comprendre et aussi de réussir à travailler ensemble, un peu comme la machine et le cerveau, Jérémy Matou. Oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, historiquement, c'est plutôt des ingénieurs, c'est un fait, qui se sont emparés du domaine et ils avaient une approche du cerveau un peu comme une boîte noire. Aujourd'hui, le domaine est jeune, mais il est assez maturé pour se rendre compte qu'il faut toutes ces disciplines autour d'une même table, dans un même laboratoire. Et d'ailleurs, vous avez ici, en présentant l'INRIA, en présentant l'INSERM, donc on a un peu la preuve. D'ailleurs, je pense que c'est le bon moment peut-être de dire qu'il y a une association française qui s'appelle Cortico, qui tout était, à fait. Peut-être vous connaissez déjà, qui a été créée l'année dernière, pour cette année, début. L'équivalent français de BCI Society, qui est la société un peu novatrice autour de la de l'ICM international qui a été monté par IBM, je crois. Des chercheurs, autant pour moi. Ouais. Et justement, le profil que vous trouvez dans ce type d'association, c'est très varié. Vous avez, comme vous l'avez dit, de mathématiciens. Je dirais aussi, peut-être pas encore dans notre association, mais il y a aussi la philosophie qui pourra rentrer au moment donné quand il y aura des questions éthiques qui vont rentrer en jeu. Il y a déjà des neuroéthiciens qui travaillent sur le sujet, d'ailleurs. Et d'ailleurs, on a un auditeur qui est sur Twitter en ce moment et qui pose un certain nombre de questions qui est manifestement extrêmement spinoziste et qui fait référence à l'éthique de Spinoza. Preuve que nous allons aussi avoir et pousser la réflexion autour de notions philosophiques et éthiques. On en parlera plus tôt vers la fin de cette émission. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h18, vous écoutez France Culture. La méthode scientifique, nous parlons tout au long de cette heure de l'ICM. L'ICM pour l'interface cerveau-machine. Nous en parlons avec Jérémy Matou qui est chargé de recherche à l'INSERM, au Centre de Recherche en Neurosciences à Lyon, et Fabrizio De Vico Falani qui est lui chargé de recherche à l'INRIA, à l'Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière. Alors, on a examiné quelques-uns des travaux qui conduisent à la recherche sur l'ICM. Beaucoup de travaux sur la souris ou sur le chimpanzé chez les primates. On va parler évidemment des travaux chez l'homme. Et peut-être dire un mot encore avant d'aller vers le reportage sur des travaux importants en termes d'études neurologiques sur les mécanismes de prise de décision. C'est quelque chose d'important de comprendre comment la prise de décision s'effectue, comment la prise de conscience de la prise de décision s'effectue, à quelle vitesse, pour précisément savoir comment la machine connectée au cerveau peut interagir. Fabrizio De Vico Falani. Oui, donc il y a Il y a différents types d'interfaces cerveau-machine. Ils peuvent fonctionner certains selon mécanismes différents. Mais à la base, il y a toujours un mécanisme neurophysiologique qui doit être très connu, très solide. Je vous parle par exemple de ICM qui sont basés sur l'imagination motrice. Donc, qu'est-ce que c'est ? Comment nous pouvons contrôler un ICM ? Donc là, c'était une découverte, je pense, qui a été faite dans les années 2000 par une équipe autrichienne. Ils ont montré que normalement, quand vous imaginez de faire un mouvement avec la main, vous générez une activité électrique qui est vraiment similaire à l'activité que vous générez quand vous faites réellement le mouvement. Donc là, cette découverte-là a ouvert une porte vers des applications cliniques très importantes. Si vous pensez à tous les patients qui ne peuvent pas bouger, qui ont une résection de la moelle épinière et qui sont donc paralysés. Parce que dans ces cas-là, comme les cerveaux restent intacts, ils sont qu'à une résection de la moelle épinière, ils seront capables toujours d'essayer d'imaginer le mouvement de la main et de générer cette activité qui est une signature corticale très précise et qui peut être reconnue par l'algorithme. Jérémy Matou, sur cette notion de la prise de décision, c'est important pour savoir comment communiquer et surtout comment interpréter ces signaux. On parle justement, Fabrizio De Vico Falani parlait par exemple de patients avec la moelle épinière sectionnée, mais ça va être aussi très important pour des patients bloqués, je pense évidemment au locked-in syndrome, ou savoir, voilà, cette notion de prise de décision est importante. Alors, je pense que c'est l'occasion de dire qu'il faut bien se rendre compte qu'on n'en est pas aujourd'hui, avec nos connaissances actuelles en neurosciences, à la détection fine du mécanisme entier dans toute sa finesse de prise de décision. Ce qu'on utilise notamment dans l'interface non invasive, c'est des choses assez grossières où en résumé, on remplace le geste qui ne peut plus se faire par un effort attentionnel. Donc, ce qu'on va mesurer, c'est un effort attentionnel. Par exemple, de quelle façon ? Alors, par exemple, on va envoyer des stimulations. C'est un autre exemple qui complète ce que disait Fabrizio tout à l'heure. On va envoyer des stimulations sur un écran d'ordinateur. Et une de ces stimulations sera pertinente, correspondra en fait au choix, à la décision qu'aimerait faire la personne qui est locked in, par exemple. Et ce choix particulier, cette stimulation particulière va générer une information, un signal, en fait, une réaction très rapide du cerveau, détectable par la machine, particulière. Seulement si la personne fait bien attention à ce qu'on lui envoie, parce que ça peut aller très très vite, et fait attention aussi à ne pas se laisser distraire par les autres stimulations. Donc ça veut dire que vous voyez bien, on n'est pas en train de décoder la pensée, on n'est pas en train de décoder le choix, le fait qu'on pense à une lettre à épeler, à un mot, à une image, à une action à sélectionner. On est en train de regarder un effort attentionnel, donc quelque chose d'assez grossier, même si on a fait beaucoup de progrès. Et donc, une infime partie du processus de décision qu'on comprend encore mal, mais qu'on arrive à exploiter dans certaines applications comme celle-ci. Là où ça commence à devenir intéressant, vous parliez de la fin des années 2000, je pense à une autre expérience, une étude plus exactement, qui commence à gratouiller un peu le concept de déterminisme, et ça va certainement faire réagir notre auditeur spinoziste qui nous suit attentivement et qui commente l'émission en ce moment. Une étude qui tend à démontrer que l'activité neuronale préparatoire à l'action, pas celle de la prise de décision, l'activité préparatoire à l'action, émerge entre 7 et 10 secondes avant que nous ne soyons nous-mêmes conscients de la décision que nous allons prendre. Fabrizio De Vico Falani. Oui, là, je pense qu'ils font. Oui, ça fait référence à différentes études menées avec différentes techniques de neuroimagerie, donc, soit IRM fonctionnel. C'est dans l'IRM fonctionnel, en l'occurrence. Oui, voilà. Ce qui est normalement avec de l'électrophysiologie, l'électroencéphalographie ou magnétoencéphalographie, les latences sont un peu plus approchées au moment du mouvement. Donc, on part plutôt de 1-2 secondes avant l'exécution de mouvement. Effectivement, on peut montrer que la préparation de mouvement engage différentes régions cérébrales même avant que vous commenciez à faire le mouvement. Après, bien sûr, dès là à dire que notre cerveau commence beaucoup à l'avance à penser qu'est-ce qu'il faut faire après. Et donc là, il faut faire attention. Un mot tout de même. Il se trouve que la semaine dernière, j'étais à un congrès d'interface cerveau-machine où il y a justement une étude qui très récente qui décrivait. Alors, d'une part, l'utilité d'interface en machine pour étudier cette question, donc la capacité en temps réel de décoder ces signaux qui correspondent à la préparation d'un mouvement et donc à la mise en route de cette prise de décision. Et ce qu'ont montré les chercheurs à travers une étude, c'était qu'il y avait une sorte de point de non-retour environ 200 millisecondes avant l'exécution du mouvement. C'est-à-dire que vous allez déclencher un mouvement, vous pouvez toujours encore le corriger. Mmh. Donc cette étude ne tranche pas la question du libre-arbitre, mais en tout cas montrait l'existence d'un point de non-retour qui fait que 200 millisecondes après le déclenchement du mouvement, vous ne pourrez plus arrêter ce mouvement, même si vous pouvez changer la décision. Donc ça, c'était intéressant et ça pose d'ailleurs la question pour l'interface cerveau-machine de la précision de la commande et de la capacité à modifier une commande au dernier moment. Donc toutes ces questions, on verra peut-être sur les problèmes d'éthique, mais d'agentivité, de responsabilité qui vont avec. On va en parler dans quelques secondes parce que on va voir qu'il n'y a pas que l'étude des mécanismes de prise de décision qui est importante dans le cadre de l'ICM, de l'interface cerveau-machine. Celle de l'apprentissage, on l'évoquait tout à l'heure, l'est au moins tout autant. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors vous qui ne ratez jamais une occasion de pousser la chancelière, vous êtes allé joindre l'utile à l'agréable, puisque bien entendu la science c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Michel Sardou. Je suis désolé. Bravo. Oui, je suis allé à la rencontre de François Vialat et de son équipe, l'équipe Interface Cerveau-Machine du laboratoire Plasticité du Cerveau à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris, l'ESPCI. Cette équipe, elle essaie de comprendre, entre autres, les mécanismes cérébraux liés à l'apprentissage. Pour cela, ils font appel à des chanteurs débutants ou confirmés et grâce à un dispositif d'électroencéphalogramme permettent à ces chanteurs de percevoir en direct sur un écran leur activité cérébrale et leur tension musculaire. Grâce à ce principe de feedback, c'est-à-dire de retour d'information, François Vialat et son équipe étudient l'activité du cerveau au moment de l'apprentissage du chant et à terme veulent comprendre comment on pourrait améliorer cette capacité d'apprentissage et ce qu'on appelle le neurofeedback. Le biofeedback, ça va consister à enregistrer un signal qui vient du corps. Ça peut être n'importe quel signal provenant du corps, le rythme cardiaque, la contraction des muscles, la respiration, pour montrer ce signal à un individu, ce qui va lui permettre d'améliorer sa conscience de ce qui se passe dans son corps. Ça peut être utilisé par exemple pour aider des individus à mieux se relaxer ou à mieux contrôler certaines parties de leur corps. L'expérience du projet Feeling est utilisée pour comprendre comment le sujet apprend lorsqu'il est exposé à un signal de biofeedback. Plus généralement, nous sommes intéressés par une technologie qui est en cours d'étude qui s'appelle le neurofeedback, qui vise à faire l'équivalent d'une kiné du cerveau. Mais à l'heure actuelle, les mécanismes de fonctionnement du neurofeedback sont trop peu connus, donc on aimerait améliorer nos connaissances. Et pour ça, on utilise un protocole de biofeedback sur quelque chose qu'on contrôle beaucoup mieux, qui va être un biofeedback de la voix chantée. Et on va regarder comment le cerveau réagit à l'apprentissage de la voix chantée avec un biofeedback, pour plus tard, dans l'avenir, pouvoir faire la même chose, le même protocole sur du neurofeedback. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu en quoi consiste cette expérience et ce que vous cherchez à comprendre à travers cette expérience ? Alors, ce que nous essayons de comprendre, c'est comment le cerveau réagit au signal de feedback. On va présenter deux formes de feedback à l'utilisateur. Un feedback qui est basé sur l'activité des muscles qui sont impliqués dans la production du chant, et un deuxième signal qui indique la qualité du son produit. On a donc deux signaux d'information qui vont aider le chanteur à mieux chanter. Or, comme il s'agit aujourd'hui d'un chanteur débutant, il a une relativement mauvaise connaissance du fonctionnement de son corps et de sa voix. Ces signaux lui apportent de l'information. On veut étudier comment le cerveau va prendre en compte cette information pour apprendre. Quelle est votre approche de cette interface cerveau-machine dans le cadre de vos travaux ici ? Alors, nous travaillons en électroencéphalographie, c'est-à-dire qu'on capte l'activité du cerveau avec des capteurs placés à la surface du scalp. On enregistre l'activité électrique du cerveau et on doit la décoder en temps réel. Voilà, votre sujet vient d'arriver. Alors, si on devait décrire ce casque que j'ai, ça se présente comme une espèce de cagoule avec les oreilles qui sont libérées et de la place pour des électrodes. C'est comme un gros bonnet de bain en néoprène avec des trous par lesquels on va pouvoir faire passer nos capteurs. Alors, les capteurs se présentent comme ceci. On a une partie qui contient un petit dispositif électronique pour amplifier et une partie qui s'attache dessus dans laquelle on va mettre du gel pour assurer le bon contact avec le cuir chevelu. Attends, je m'en vais après ça. Ça va, c'est pas trop inconfortable ? Non, ça va. Alors moi, je suis Aurore Jomaracoud. En ce moment, je travaille sur le fait d'enregistrer des informations cérébrales pendant une tâche d'apprentissage, en l'occurrence pour nous, une tâche d'apprentissage de chant lyrique. Au cours des 5 sessions, on a une évolution à mi-parcours sur la troisième session, on passe d'un feedback qui était seulement présenté en continu, en permanence, pendant que la personne chante. En temps réel, on a une visualisation de l'activité musculaire et de la qualité de la voix. On passe à une troisième session dite de transition, qui va permettre d'apprendre à passer de ce feedback continu à un feedback distrait qui sera présenté uniquement à la fin de chaque vocalise. Donc en quatrième et en cinquième session, il n'y a plus que ce feedback discret. Parce que l'idée, c'est que la personne a appris à intérioriser le feedback, donc elle peut se relier à ses sensations internes. Et donc c'est sur ce micro-là que chante la personne. Ça va être d'accord. Fait ici. D'accord. Ok. Alors, je m'appelle Anne-Cécile et je participe à cette expérience parce que je suis en licence de psychologie. C'est une expérience et pour moi dans ma vie et pour eux, ça, je sais que ça peut les aider. Donc voilà. On va passer à l'enregistrement. Ok. Donc là, premier exercice. En fait, c'est la même chose, c'est ma mère, la même vocalise pour l'instant. Voilà. La jauge bleue, là, c'est relatif à la détente musculaire. Donc, plus il y a du bleu, plus vous êtes détendu. Le signal enregistré est une superposition d'activité qui provient du cerveau. Et le cerveau va avoir un signal qui est de l'ordre de quelques dizaines de microvolts. Alors qu'on a par-dessus, tout autour du scalp, des muscles. Et ces muscles ont une activité électrique qui est de l'ordre du millivolt, donc 1000 fois plus. Ce qui signifie que si notre sujet est nerveux, s'il se contracte, s'il bouge les sourcils, par exemple, on va enregistrer avec nos capteurs EEG des perturbations qui viennent des muscles, qui vont polluer le signal. Comme un parasitage. Exactement. On dit que le rapport signal sur bruit de l'EEG est très pauvre. En fait, le signal est très crade, pour dire les choses en langage commun. D'où la raison pour laquelle on doit appliquer des méthodes pour trier, traiter le signal, le nettoyer et extraire de l'information. Là, le sujet répond à des questionnaires qui permettent d'évaluer son état d'un point de vue subjectif. On n'est pas dans sa tête, donc on ne peut pas savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. C'est elle qui va nous renseigner pour qu'on puisse comparer son activité cérébrale avec comment elle-même s'évalue. Alors statistiquement, on va étudier les données en les triant en fonction de l'état que le sujet décrit être le sien. Donc par exemple, si elle dit que ses capacités cognitives étaient saturées, on va aller regarder les moments dans l'expérience où elle était en saturation pour voir comment était son activité cérébrale et réciproquement quand elle se sentait bien. C'est une approche qui s'appelle la neurophénoménologie. Un des gros problèmes des neurosciences cognitives, c'est justement d'arriver à étudier les fonctions cognitives de haut niveau qui ont une composante subjective. Mais on veut le faire de façon objective, donc on est obligé justement de comparer ces données. Voilà ce reportage qui fait un bon résumé de tout ce que nous nous sommes dit au cours de cette première partie d'émission. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, tant effectivement sur le bruit de ces méthodes non-invasives, sur le biofeedback, sur cette neurophénoménologie, cette interdisciplinarité. Quelle est votre réaction, Fabrizio De Vico Falani? Oui, c'est un projet très intéressant parce qu'effectivement, il va étudier comment le cerveau apprend dans des conditions de base. Vraiment de base, il peut contrôler l'expérience parce qu'il y a le champ. Donc, c'est une technique pour quantifier si la personne est en train d'apprendre. Par contre, dans les interfaces cerveau-machine, par exemple, pilotées par l'imagination motrice, ça devient plus compliqué de quantifier si la personne est en train de faire une imagination motrice de façon plus correcte ou moins. Donc je pense que c'est un projet très intéressant parce que les connaissances qu'il va fournir serviront à d'autres projets. Par exemple, nous, à l'Institut du cerveau de la moelle épinière, moi je coordonne un projet qui évalue l'apprentissage de la personne pendant l'imagination motrice. Donc je pense que je suis ravi de... J'attends les résultats. Vous attendez avec impatience ces résultats. Jérémy Matou. Oui, c'est un beau projet ambitieux. Et moi, il m'évoque peut-être deux choses. Il souligne assez joliment que l'interface en machine, c'est pas uniquement les applications médicales pour les personnes handicapées, qu'on va, ça reste l'application majeure, hein, mais qu'on va essayer de d'aider. C'est aussi tout ce monde du neurofeedback qui pourrait même aider les personnes non atteintes de maladies ou de pathologies. C'est l'application dans le sport éventuellement, enfin pour toutes sortes d'apprentissages. Et c'est le monde du neurofeedback qui historiquement était un petit peu ésotérique, le monde du biofeedback, a aujourd'hui un regain d'intérêt de la part des communautés scientifiques pour étudier la plasticité, voir les applications. Et d'ailleurs, nous aussi à Lyon, on a un projet de neurofeedback, de rééducation de l'attention chez les enfants qui ont des troubles de l'attention. On est en pleine étude clinique et on espère avoir des bons résultats. Mais c'est vraiment un monde qui fait partie des interfaces cerveau-machine avec les mêmes problématiques de mesure d'activité cérébrale, d'interprétation des signaux en temps réel. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h36, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de l'ICM, l'interface cerveau-machine. Nous en parlons avec Jérémy Matou, qui est chargé de recherche INSERM au Centre de Recherche en Neurosciences à Lyon, et Fabrizio De Vico Falani, qui est chargé de recherche INRIA, lui, à l'Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière. On va parler évidemment, bien sûr, des applications pratiques, après avoir défini tout ce beau corpus théorique qui amène justement à ce que nous allons évoquer à l'instant. On imagine, alors effectivement, on a déjà parlé de neuroprothèses, on a déjà parlé d'un certain nombre d'applications, l'interface cerveau-machine. En fait, il y a quelques éléments, il y a quelques ICM que l'on maîtrise déjà tout à fait correctement, qui sont déjà largement appliqués. Je pense évidemment aux implants cochléaires. Jérémy Matou, c'est une interface cerveau-machine d'une certaine façon, pas vraiment ? Alors, pas vraiment. On peut le voir comme tel. L'interface cochléaire étant, pour repréciser ce que c'est. Alors, c'est une l'implant, prothèse, pardon. C'est une prothèse auditive, en fait, où on va aller avec un implant stimuler le nerf auditif après un traitement de signal qui se fait en temps réel. Il y a beaucoup de recherches pour les améliorer. Effectivement, c'est quelque chose qui est appliqué dans le monde entier avec des milliers de personnes équipées. Aujourd'hui, c'est un domaine jeune qui a essayé de se structurer, qui a décidé de définir un peu l'interface en machine de manière, peut-être un peu arbitraire, et mettre des frontières. Et généralement, ce qu'on entend par ICM, c'est un système qui va aller mesurer l'activité cérébrale pour le traduire en commande, ou du moins en information pour une machine, plutôt dans ce sens-là. Alors que là, il s'agit juste de stimulation. Voilà. Neurologique. Une stimulation, en tout cas d'un signal qui va de la machine vers le cerveau. Et c'est pareil pour les implants rétiniens, par exemple. Peut-être qu'on a parlé tout au long de cette première partie de degré d'invasivité. Est-ce que peut-être est-il temps de les définir ? Alors, on a entendu dans le reportage le non-invasif, c'est ce bonnet de bain en néoprène avec les capteurs. Mais ça n'est pas binaire, il n'y a pas 0 ou 1. Il y a non-invasif, il y a semi-invasif et invasif. De quoi parle-t-on, Jérémy Matou? Alors, de manière générale, on parle surtout d'électrophysiologie, c'est-à-dire qu'on utilise pour certaines interfaces l'imagerie aussi, mais on parle des scanners IRM, c'est quelque chose de très lourd, il faut que la personne se déplace, donc ce n'est pas l'idée pour les interfaces cérébro-machines. Donc on parle de techniques d'électrophysiologie et des électrodes. Et ces électrodes, dans le cas non invasif, elles sont passées sur le crâne. C'est quelque chose que tout le monde peut utiliser, y compris un enfant. Et on parle de semi-invasif, quand on va faire de la chirurgie, on va ouvrir le crâne. Par contre, on va se limiter à l'extérieur du cerveau, on va poser les électrodes à la surface du cortex. Et on parle d'invasif quand cette fois, on va faire pénétrer une électrode dans le cortex. C'est ce qu'on se permet de faire, dans certains cas très contrôlé chez l'animal et chez quelques patients, évidemment aussi dans des recherches très contrôlées. Fabrizio Devico-Fallani, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est tout à fait en mesure de convertir une impulsion cérébrale en signal informatique et rétroactivement de convertir un signal informatique en impulsion cérébrale? Donc là, il y a effectivement des applications très récentes qui ont utilisé une technique qui s'appelle stimulation transcrânienne tout à fait. Magnétique, oui, qui permet de... qui en jette en fait des impulses très puissants et sont capables d'induire une activité électrique dans certaines parties du cerveau. Donc effectivement, on peut envisager de coupler l'ICM à une impulsion magnétique transcrânienne pour créer une sorte de feedback, de closed loop, de boucle, voilà exactement, qui permettrait. Et après, il faut être attentif aux possibles implications de ce type de self-stimulation, de auto-stimulation, parce que ça peut être aussi dangereux, donc il faut, faut être attentif. Je pense à une expérience qui était basée sur des technologies non invasives, qui est assez récente et qui était assez impressionnante, basée sur du contrôle de jeux vidéo avec deux personnes séparées dans des pièces différentes, l'un avec un bonnet en néoprène, donc avec des électrodes sur le crâne en invasif, qui regarde un jeu vidéo, qui décide de cliquer pour faire sauter le personnage, et dans l'autre pièce des électrodes attachées aux muscles et qui poussent la personne à cliquer, et ça marchait très bien. C'est-à-dire qu'on arrive à transmettre une impulsion nerveuse d'une personne sur l'autre. Ça reste une impulsion nerveuse, donc musculaire, mais tout de même, le résultat était pour le coup très impressionnant, Jérémy Matou. Oui, il était impressionnant. Il était médiatisable. J'ai pas trop aimé cette étude, pour être honnête, parce que c'était plus la mise bout à bout de briques technologiques bien connues en neurosciences, et l'application n'avait pas grand intérêt. D'ailleurs, elle date un petit peu, il n'y a pas eu de suite particulière. C'était vraiment la mise, montrer que, comme disait Fabrizio tout à l'heure, on est capable de détecter l'imagination motrice d'un mouvement, ça on savait très bien le faire, et on est capable aussi, avec des techniques de stimulation comme la TMS, la stimulation magnétique transcrânienne, on est capable de déclencher un mouvement pourvu que la stimulation soit suffisamment forte au-dessus du cortex moteur. Si on met ça bout à bout, on était capable de faire cette démonstration technique, mais qui n'amenait pas de grande innovation ou de promesses pour les patients. Oui, Fabrizio. Oui, je pense effectivement, peut-être il faut commencer à aborder le poids critique de ces interfaces flow-machines. Ça veut dire qu'on peut certainement brancher toutes ces différentes pièces, les faire fonctionner, mais après, quand vous demandez d'activer, par exemple, la TMS, la stimulation transmagnétique, et donc, il faut être capable de reproduire ce type de contrôle. Et donc, je suis sûr, et ça aussi à Jérémy qui pourra confirmer ça, que si vous demandez au sujet de répéter ça une cinquantaine de fois, il y a un certain nombre de fois qu'il ne sera pas capable de l'utiliser. Donc, certainement, il y aura des fois qu'il était capable de l'activer, mais qu'est-ce qu'on fait de toute l'autre fois qu'il n'est pas capable de l'activer? Donc ça pose des problèmes si vous imaginez que ce sont des systèmes utilisés par des patients qui, et les commandes, c'est « je dois traverser la rue ». Donc si le commande n'est pas bon, il y a pas mal de problèmes. Évidemment. Parlons précisément de l'état d'avancement des recherches. On a parlé dans la première partie plusieurs fois de neuroprosthétiques. On sait aujourd'hui qu'on arrive à rendre du mouvement à des personnes qui ont été amputées. Principalement, c'est des travaux autour du bras et de la main. Quelles sont aujourd'hui les limites technologiques? quels sont les domaines de recherche pour avoir précisément des boucles de biofeedback, de neurofeedback, pour avoir un retour de sensation du toucher. La notion qui est très importante de pression mise sur un objet, quand on prend une canette, il faut ne pas l'écraser par la force qu'on met, il faut pouvoir doser ça. Ou quelles sont aujourd'hui les limites de la technologie d'ICM en cette matière, Jérémy Matou? Alors, donc, il faut bien voir effectivement que l'interface en machine, que ce soit invasive ou non invasive, n'ont pas franchi la porte du laboratoire aujourd'hui. Il n'y a pas d'application commercialisée ou largement utilisée par les patients. Donc, les recherches vont vite, mais elles en sont toujours à l'état de recherche. Mm-hmm. Pour les interfaces invasives que vous évoquez ici, il y a eu beaucoup de progrès faits, mais les limites importantes sont dans le fait qu'il faut des capteurs sécurisé, c'est-à-dire biocompatible, qu'on va pouvoir laisser longtemps dans le cortex, qui vont toujours fonctionner, mesurer l'activité voulue. Mmh. Ils marchent mieux, ils ont une mesure qui est moins grossière, qui est plus précise pour décoder l'activité cérébrale, mais ça pose le problème de combien il faut en mettre et combien de régions il faut implanter pour pouvoir avoir un bon décodage du mouvement fin à faire. Et puis, comme vous l'avez dit, il faut idéalement un retour. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est plutôt une sorte de machine hybride qui va être commandée par le cerveau, déclenchée par le cerveau, mais supplée par la machine, par l'intelligence relativement restreinte, mais du robot pour effectivement régler la pression de la main, réguler. Et quand une démonstration est faite, avec les belles vidéos qu'on voit publiées sur le net, bah c'est une démonstration qui est faite en laboratoire, de manière très contrôlée. Le patient ne pourra pas partir avec ça chez lui. Et tous les ingénieurs sont là pour appuyer sur le bouton rouge si jamais il y a un problème. Enfin, voilà, on en est aujourd'hui. Allez-y, oui. Alors, sinon, qu'est-ce qui se produit? Peut-être je voulais vous faire rebondir, parce que c'est une limite technologique importante qu'on est en mesure, peut-être, et vous allez me dire si c'est le cas ou non, de dépasser cette question de la biocompatibilité des implants. Hein. C'est posé tout de même, effectivement, des implants profonds dans le cerveau. Il faut que ça reste, il faut que ça puisse être pérenne, il faut que ça ne dégrade pas les tissus alentours. Ça pose des questions. Alors, il y a deux choses, effectivement. Il y a eu des progrès. Il y a une patiente qui avait été implantée récemment, qui au bout de 5 ans d'implant avait toujours réussi à contrôler un voir robotisé, donc ça va dans le bon sens. Par ailleurs, il faut peut-être souligner qu'il y a deux types d'interfaces à vos machines pour restaurer l'activité motrice. Il y a celles qui vont chercher à remplacer l'effecteur défectueux, donc vraiment le bras robotisé, la neuroprothèse, et puis il y a celles qui vont chercher à restaurer le mouvement, autrement dit à restaurer le contrôle du bras de la personne. Donc là, on peut espérer peut-être plus facilement, et c'est même peut-être plus souhaitable de viser la restauration, espérer le contrôle, ou plutôt l'interaction bidirectionnelle, à savoir la sensation et la commande. Un mot, Fabrizio De Vicofalani, précisément sur aujourd'hui, c'est limite, là on parle de neuroprothèse, mais on peut peut-être élargir un peu le spectre de nos connaissances et des limites de la recherche aujourd'hui en ICM. Oui, moi je vois très bien de limitations sur lesquelles il faudra pousser un peu plus la recherche. Sûrement c'est la qualité de capteurs qu'on utilise. Là, il y a une limite très forte due au fait de rapport signal sur bruit qui est évoqué lors du reportage. Et bon, les algorithmes, il faudra améliorer un peu plus les algorithmes et en jeter dans les algorithmes des connaissances fondamentales de comment le cerveau apprend à utiliser ces interfaces. Peut-être peut-on dire également un mot d'un autre domaine, celui qu'on évoquait au tout début, de BrainTernet, là appliqué à un cas plus concret qui est celui de la communication. On évoquait tout à l'heure la question, le problème des patients atteints de Locked-in syndrome. L'ICM du Centre de recherche en neurosciences de Lyon permet entre autres, un ICM développé par le Centre de recherche en neurosciences de Lyon permet d'écrire en sélectionnant par la pensée les lettres présentées sur un écran, Jérémy Matou. Oui, c'est ça que j'évoquais tout à l'heure, où les stimulations présentées à l'écran sont des lettres et l'attention du patient va faire qu'on va sélectionner la bonne lettre, on l'espère, pour restaurer la communication. Et nous, c'est cette interface qu'on a, à vrai dire, dévoyée, parce que elle permet, on a constaté du moins qu'elles permettent d'entraîner l'effort attentionnel. Alors, chez ces patients, mais éventuellement chez d'autres patients, c'est la question qu'on pose à travers cette étude clinique qu'on mène actuellement chez les enfants qui ont des troubles de l'attention. Cette fois, on n'utilise pas des lettres à épeler, mais des jeux contrôlés par l'activité cérébrale sur le même principe. Et donc, on passe comme ça d'interface à une machine de communication au neurofeedback et à l'apprentissage. Mmh. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres domaines en dehors de la compensation effectivement d'un handicap de moteur ou d'un handicap intellectuel dans laquelle les recherches de l'ICM peuvent conduire? Vous avez d'autres exemples en tête? Applications cliniques ou plus en général? Comme vous voulez. Bon, plus en général, il y a des applications jeux vidéo, ça peut être jeux en général, pas vidéo, de jeux, ça veut dire dans le ludique, il y a déjà des produits qui sont dans les marchés, bien sûr avec toutes les limites qui sont à disposition. Il y a des applications militaires. Il ne faut pas oublier que l'agence... Les exosquelettes, la DARPA, qui est l'agence nationale aux États-Unis, qui finance, a financé un projet il y a 5 années, je pense, qui s'appelait Silent Talk, donc de communiquer silencieusement, qui permettait d'utiliser ces interfaces pour communiquer entre deux personnes, mais pas en passant à travers les muscles. Donc, on pouvait se passer un message très simple. On parle d'un message binaire. Donc, oui ou non. On ne peut pas parler tranquillement avec un discours, mais il y avait des études comme ça visées pour des applications militaires, pour la communication entre des soldats. Il faut évidemment évoquer, parce que l'interface cerveau-machine, ça évoque, je le dis, ça nourrit l'imaginaire de la littérature de science-fiction depuis de nombreuses années. Et puis, ça nourrit aussi aujourd'hui beaucoup de fantasmes. Aujourd'hui, où on parle énormément de questions liées au transhumanisme, on peut peut-être tout de même dire un mot. C'est difficile de parler de l'ICM sans parler d'Elon Musk. Messieurs, forcément, il faut parler de ce projet, hein, Neuralink, qui est une société que Elon Musk a montée à grand renfort de communication. 60 personnes sélectionnées par lui-même avec un budget tenu secret, mais avec en tout cas pour ambition de remplacer un autre et un échec de futuriste, entre guillemets. Elon Musk voulait développer une intelligence artificielle consciente en open source. Ça n'a pas donné grand-chose, ça n'a pas marché beaucoup. Il a réaffecté ses budgets à cette entreprise Neuralink qui doit travailler sur l'interface cerveau-machine. On sait quelque chose de ses projets? C'est quelque chose qui peut aboutir, qui vous intéresse? Ou est-ce que c'est, comme Elon Musk, beaucoup d'argent, beaucoup de communication pour pas beaucoup de résultats? Ce qui n'est pas vrai pour SpaceX, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Oui, c'est un autre débat. Oui, une idée, ça, bien sûr. Mais écoutez, moi, c'est un autre bullshot. Enfin, voilà. Oui, moi je ne sais pas plus que ce qu'on peut trouver dans la presse ou sur Internet. Alors je me suis quand même bien renseigné, parce qu'évidemment c'est notre domaine. Mon opinion personnelle, là, pour le coup, c'est que Elon Musk est très intelligent. Donc sa communication, qui par bien des aspects est délirante sur ce sujet, elle a à mon avis un but, hein, de marketing. La réalité quand même, c'est qu'il a réussi à embaucher des noms scientifiques tout à fait sérieux et compétents, qui peut-être sont attirés un petit peu par le salaire personnel, mais aussi par les moyens de recherche, surtout. Je pense que la finalité affichée est justement un peu délirante et critiquable. Ceci dit, investir dans ce domaine-là peut très bien amener des évolutions dans les capteurs, on en parlait, amener des évolutions dans différents aspects. C'est des spécialistes d'intelligence artificielle, donc ils peuvent apporter des algorithmes qui pourront être utiles. Maintenant, tout ça, ça va prendre du temps, et que ce soit Elon Musk ou Facebook qui ont un peu annoncé les mêmes choses, ils se font peut-être une concurrence dans cette publicité, mais tout ce qu'ils annoncent, je voulais rassurer les auditeurs, là, ça demande des étapes et plusieurs prix Nobel à franchir pour y arriver. Des années. Un mot là-dessus sur cette ambition, Fabrizio De Vico Valani, quand on travaille concrètement les deux mains dans l'ICM et qu'on voit ces espèces de grands projets annoncés à grand renfort de communication, de milliards de dollars. Oui, on voudrait pas sembler de pessimiste en général dans cette émission-là, mais effectivement, il faut quand même dire en tant que chercheur, surtout nous, il faut dire les choses comme ils sont réellement. Et donc, bien sûr, il y a beaucoup d'aspects publicité, beaucoup d'aspects vendeurs, si vous voulez. Mais d'un côté, je pense que c'est aussi bien parce que ça permet de sensibiliser le large public. Donc, en sensibilisant le public, ça pourrait amener à des ressources, des fonds pour la recherche. Et donc tous ensemble, peut-être avec chacun, avec ses compétences, peut-être l'important, c'est d'aller dans la même direction, c'est d'améliorer les interfaces cerveau-machine. Je mettrais juste un petit bémol sur le cas d'Elon Musk ou Facebook. Je pense qu'il y a une grande responsabilité de leur part, puisqu'on les écoute beaucoup, et c'est normal, et des médias. sur l'image que ça va avoir sur le domaine, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils s'apprêtent à faire. Et donc ça va être important. Ouais. Vous noterez que je l'ai conservé pour 1 minute 30 à la fin de cette émission, qu'on a parlé de plein d'autres choses pendant toute l'heure. Merci. Il est 16h53 et comme chaque mercredi, c'est l'heure de retrouver le futur de la recherche de demain. Et vous parliez des prix Nobel, peut-être. Nous espérons un jour pouvoir dire un des prix Nobel est passé dans les studios de la recherche montre en main, puisque chaque mercredi, nous recevons un jeune étudiant en thèse qui vient nous présenter ses travaux de recherche. En 4 minutes, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Dania Bachir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse à l'IRT Systemix, Université Paris-Saclay avec Bouygues Télécom. Bienvenue à la recherche montre en main, c'est à vous. Merci. Donc les villes font face à un accroissement urbain continu au sein d'un territoire restreint. Et l'affluence de la grandissante de la population favorise les embouteillages, les retards et autres incidents sur nos trajets. Du coup, pour les villes, il est maintenant crucial de moderniser les services de transport et de fluidifier le trafic. Parallèlement à ça, les nouvelles technologies de l'information et de la communication se sont largement développées dans toutes les strates de la population. On a aujourd'hui, par exemple, plus de 7 milliards de cartes SIM dans le monde. C'est presque autant que le nombre d'êtres humains sur Terre. Ma thèse porte sur l'utilisation des données du réseau mobile pour le transport de demain. Bon, d'abord, les données mobiles réseau, c'est quoi et comment est-ce qu'on les obtient ? Pour communiquer entre eux, vos millions de smartphones se connectent aux antennes du réseau télécom. Ces antennes collectent chaque jour des milliards de données géolocalisées qui sont alors stockées dans des gigantesques bases de données. Ces données donnent la localisation de toute personne ayant un téléphone partout en France. Rassurez-vous, l'intégralité des données est anonymisée, agrégée, régulièrement purgée pour protéger votre vie privée. Par contre, pour exploiter correctement cette donnée, il faut bien comprendre ses particularités et ses limites. Une première difficulté pour les opérateurs télécoms est qu'ils n'ont pas la localisation dite GPS. Ils ont la position des antennes réseau auxquelles les téléphones se connectent. Or, ces antennes, elles couvrent un périmètre assez large, allant de la centaine de mètres au kilomètre. Donc, la précision spatiale est faible. La deuxième difficulté que nous avons est que le volume des données, il est si gigantesque qu'elles ne sont pas intégralement stockées en temps continu. Du coup, nous ne savons pas exactement et pas tout le temps où vous vous situez. Dans ma thèse, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la nature de votre trajet. Je cherche à estimer où, quand et comment vous vous êtes réellement déplacé grâce à vos empreintes de téléphone mobile. Je commence par constituer des jeux de données de flux de déplacement, puis j'interroge ces données. Combien d'appels ont été passés? Combien de déplacements ont été détectés? À quelle heure? À quelle vitesse? Les téléphones sont-ils proches d'une route, d'une gare? J'extrais et je construis des indicateurs de la mobilité. Ces nouvelles variables servent ainsi à combler l'information qui est initialement manquante dans les trajectoires cellulaires qui sont imprécises et partielles. Après cette étape de pré-processing des données brutes, j'intègre mes nouvelles variables à des algorithmes d'apprentissage, donc du machine learning. Et le but de mon modèle est d'identifier les modes de transport des porteurs de téléphone. Autrement dit, je veux savoir est-ce que vous avez pris le train à la Défense ou la voiture à 11h. Alors, ces travaux de recherche représentent un vrai potentiel pour les secteurs à la fois transport, construction et télécom qui souhaitent rendre nos villes plus intelligentes. Pour les entreprises, il y a à la fois un enjeu business et d'innovation scientifique. Pour les opérateurs télécom, l'analyse des données géolocalisées peut être monétisée à destination d'autres entreprises ou des collectivités. Pour les opérateurs transport, connaître les flux de voyageurs journaliers par mode leur permettra de mieux estimer la demande des voyageurs et donc de consolider leur offre. Après, au-delà de ma thèse et de manière plus générale, l'objectif est d'exploiter les données mobiles pour fournir aux voyageurs un service de transport optimal. À court terme, des applications mobiles plus intelligentes pourront voir le jour sur vos téléphones. Ces applications pourront proposer un itinéraire multimodal optimal avec un système d'alerte, de recommandations pour guider les voyageurs en temps réel et de manière plus fiable. Eh bien, merci beaucoup, Dania Bachir. Vous voyez, après l'ICM, l'interface cerveau-machine, voilà l'IHT, l'interface humain-transport. Et si vous voulez en savoir plus, je renvoie d'ailleurs nos auditeurs à l'émission que nous avions consacrée précisément à la ville de demain, à cette fameuse ville intelligence qui suscite tellement de fantasmes, tellement d'espoir et tellement d'espace de recherche. Merci beaucoup, Dania Bachir, d'être venue à la recherche montre en main. Merci à nos deux invités. Merci, Jérémy Matou. Merci, Fabrizio Devico Falani. Vous savez bien que, comme chaque jour, si vous avez raté un bout de l'émission, vous pouvez tout réécouter, podcaster et les émissions passées pas encore les émissions futures, ça il faudra inventer le voyage dans le temps, mais on a fait une émission là-dessus, on va vous la mettre aussi, c'est sur franceculture.fr. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette-Saint-Ville, Franck Evétienne, Céline Lezen, Hugo Bartholomeï, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique, Victor Buton au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture, tout à l'heure, après le journal de 18h, ce sera l'heure du grain à moudre. Et la question du jour qu'Hervé Gardette posera à ses invités, faut-il une autre médecine pour les femmes? Dans quelques minutes, ce sera LSD, la série documentaire, troisième épisode, sommes-nous libres de nos amis, de nos habits, de nos amis aussi, mais c'est un autre sujet. C'est une série signée Emmanuel Paul et Christine Robert, et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous remonterons le temps et les nombres, et nous nous plongerons dans le magma numéraire des civilisations anciennes à la recherche de l'apparition des paléo-mathématiques. Et oui, ce sera demain à 16h, enfin jusqu'à preuve du contraire. France Culture, l'esprit d'ouverture.